fin des temps, je ne rêve que de te garder en moi, inlassablement, sans jamais devoir te quitter, agripper tes épaules et m'ouvrir plus si je peux. Ton souffle qui me frôle, si repos, mer de feu, me garder prisonnier, mes jambes en divine écage, mains à mains liées, t'avaler. Pour être vrai, même par miroir interposé, dentier qui me plaît, en détail particulier, encore, encore mille fois, je voudrais à moi attirer mon prince russe de surcroît, mon amant tendre passionné, pour prendre bien tes lèvres et sucer le bout de la langue, je serai bon élève. Bateau qui tend, aucun autre instrument, nulle guitare en courbe ronde, ne saura pareillement vibrer de toi dans tout le monde. Que moi qui t'appartiens dans cette symphonie charnelle, à toi, et sous tes mains, plante carnivore sensuelle. Ou encore, à la fusion, je veux qu'on aille. Donne-moi l'explosion et prête-moi dans tes yeux, car c'est dans ces yeux-là que je ne vois plus mon image, mais toi, toi et moi, dans le plaisir et le partage, des heures tant assez en rêve, en idée, en pensée, des nuits à t'embrasser depuis mon pays exilé. Je voudrais te bercer de mots tendres, de roses et de miel. Je suis vraiment comblé d'avoir tenté. Irrationnel. Irrationnel.